tes fosses. Oublie le stress, pour que tu décompresses. Sur ce reggae pur et non pas sur du slackness. On ne vit qu'une fois, prends le temps, rien ne te presse. Bouge comme le lion, danse avec noblesse. Libère ton esprit, t'auras la force et la richesse. Le rythme et la musique rajeunissent même la vieillesse. Oh now, yeah, I bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Le mot tu bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Yeah. Bouge si t'aimes le reggae. Bouge sur ce reggae. Danse sur ce rythme africain. Qualité de sang, 100% jamaïcain. Écrit, interprété par un jeune Algérien. Oublie tes soucis, tes problèmes quotidiens. Il ne faut pas s'enfermer. Écoute-moi, cousin. Le raga et le reggae, ça ne veut que te faire du bien. Danse, regarde le ciel, cette grandeur sans fin. Avec un grand deuil de Saint-Céline. Oh, bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Le mot qui bouge sur ce reggae. Bouge sur ce reggae. Bouge si t'aimes le reggae.